Chapitre 112e, où nous arrivons enfin à cette protestation que recopiait Madame Roland. La conversation de la reine avec Barnabe a donné, nous l'espérons, à nos lecteurs, une idée exacte de la situation dans laquelle se trouvaient tous les partis le 15 juillet 1791. Les nouveaux jacobins perçant à la place des anciens, les anciens jacobins créant le club des Feuillants, les cordeliers dans la personne de Danton, Camille Desmoulins et Legendre, se réunissant aux nouveaux jacobins. L'Assemblée, devenue royaliste constitutionnelle, décidée à maintenir le roi à tout prix. Le peuple, résolu à obtenir la déchéance par tous les moyens possibles, mais résolu, en même temps, à employer d'abord celui de la protestation et de la pétition. Maintenant, que s'était-il passé pendant la nuit et la journée écoulée entre cette entrevue de Barnabe et de la reine, protégée par l'acteur Saint-Prix, et le moment où nous allons rentrer chez Madame Roland ? Nous le dirons en quelques mots. Pendant cette conversation d'abord et au moment même où elle finissait, trois hommes étaient assis autour d'une table avec du papier, des plumes, de l'encre devant eux, chargés qu'ils étaient par les Jacobins de rédiger la pétition. Ces trois hommes, c'étaient Danton, Laclos et Brissot. Danton n'était point l'homme de ces sortes de réunions. D'ailleurs, dans sa vie toute de plaisir et de mouvement, il attendait avec impatience la fin de chaque comité dont il faisait partie. Au bout d'un instant, il se leva donc, laissant Brissot et Laclos rédiger la pétition comme il l'entendrait. Laclos le vit sortir et le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, de l'oreille jusqu'à ce qu'il eût entendu fermer la porte. Cette double fonction de ses sens parut le tirer un instant de cette somnolence factice sous laquelle il cachait son infatigable activité. Puis il s'affaissa sur son fauteuil et laissant tomber la plume de sa main. « Ah, ma foi, mon cher monsieur Brissot, dit-il, « rédigez-nous cela comme vous l'entendez. Quant à moi, je me récuse. Ah, si c'était un mauvais livre, comme on dit à la cour, une suite des liaisons dangereuses, j'en ferais mon affaire. Mais une pétition... pétition... » ajouta-t-il en bâillant à se démonter la mâchoire. « Cela m'ennuie horriblement. » Brissot était au contraire l'homme de ces sortes de rédactions. Convaincu donc qu'il rédigerait la pétition mieux que personne, il accepta le mandat que lui donnait l'absence de Danton et la démission de Laclos, lequel ferma les yeux, s'accommoda du mieux qu'il put dans son fauteuil, comme s'il voulait dormir, et s'apprêta à peser chaque phrase, chaque lettre, afin d'y intercaler à l'occasion une réserve pour la régence de son prince. À mesure que Brissot écrivait une phrase, il la lisait et Laclos approuvait, d'un petit mouvement de tête et d'une petite intonation de voix. Brissot mit en lumière en faisant ressortir la situation. Premièrement, le silence hypocrite ou timide de l'Assemblée, qui n'avait point voulu ou n'avait point osé statuer sur le roi. Deuxièmement, l'abdication de fait de Louis XVI, puisqu'il avait fui et que l'Assemblée l'avait suspendu, fait poursuivre et arrêter. On ne poursuit pas, on n'arrête pas, on ne suspend pas son roi, ou si on le poursuit, si on le suspend, si on l'arrête, c'est qu'il n'est plus roi. Troisièmement, la nécessité de pourvoir à son remplacement. « Bien, bien, » dit Laclos à ce dernier mot. Puis comme Brissot allait continuer, « Attendez, attendez !» dit le secrétaire du duc d'Orléans. « Il me semble qu'après ces mots, à son remplacement, il y a quelque chose à ajouter, quelque chose qui nous rallie les esprits timides. Tout le monde n'a pas encore, comme nous, jeté son bonnet par-dessus les ponts. « C'est possible, » dit Brissot. « Qu'ajouteriez-vous ? » ?»« Oh, c'est bien plutôt à vous qu'à moi. » « À trouver cela, mon cher monsieur Brissot. J'ajouterais, voyons... » Laclos fit semblant de chercher une phrase qui, depuis longtemps, toute formulée dans son esprit, n'attendait que le moment d'en sortir. « Eh bien, dit-il enfin, après ces mots, par exemple, la nécessité de pourvoir à son remplacement, j'ajouterais, par tous les moyens constitutionnels. Étudier et admirer, ô homme politique, rédacteur passé, présent et futur de pétitions, de protestations, de projets de loi. C'était bien peu de choses, n'est-ce pas, que ces mots inoffensifs. Eh bien, vous allez voir, c'est-à-dire ceux de mes lecteurs, qui ont le bonheur de n'être point des hommes politiques, vont voir où nous mener ces cinq mots, par tous les moyens constitutionnels. Tous les moyens constitutionnels de pourvoir au remplacement du roi se réduisaient à un seul. Ce seul moyen, c'était la régence. Or, en l'absence du comte de Provence et du comte d'Artois, frère de Louis XVI et oncle du dauphin, dépopularisé d'ailleurs par leur émigration, à qui revenait la régence ? Au duc d'Orléans. Cette petite phrase innocente, glissée dans une pétition rédigée au nom du peuple, faisait donc toujours, au nom de ce peuple, monsieur le duc d'Orléans régent. C'est une belle chose, n'est-ce pas, que la politique. Seulement, il faudra encore bien du temps au peuple pour y voir clair, quand il aura affaire à des hommes de la force de monsieur de Laclos. Soit que Brissot ne devina point la mine renfermée dans ses cinq mots, et toute prête à éclater lorsqu'il le faudrait, soit qu'il ne vit pas le serpent qui s'était glissé sous cette adjonction et qui relèverait sa tête sifflante quand le moment serait venu, soit enfin que lui-même, sachant ce qu'il risquait comme rédacteur de cette pétition, ne fût point fâché de se ménager une porte de sortie, il ne fit aucune objection et il ajouta la phrase en disant « En effet, ça nous ralliera quelques constitutionnels. L'idée est bonne, monsieur de Laclos. » Le reste de la pétition était conforme au sentiment qu'il avait fait décréter. Le lendemain, Pétion, Brissot, Danton, Camille Desmoulins et Laclos se rendent aux Jacobins. Ils apportent la pétition. La salle est vide ou à peu près. Tout le monde est au feuillant. Barnabe ne s'était point trompé, la désertion était complète. Aussi Pétion court au feuillant. Qu'y trouve-t-il ? Barnabe, Duport et Lamette, rédigeant une adresse aux sociétés jacobines de province, adresse par laquelle ils annoncent à celle-ci que le club des Jacobins n'existe plus et vient d'être transporté au feuillant sous le titre de Société des Amis de la Constitution. Ainsi, cette association qui a tant coûté de peine à fonder et qui, pareil à un réseau, s'étend sur toute la France, va cesser d'agir, paralysée par l'hésitation. À quoi croira-t-elle ? À qui obéira-t-elle ? Des vieux Jacobins ou des nouveaux ? Pendant ce temps, on fera le coup d'État contre-révolutionnaire et le peuple, qui n'aura pas de point d'appui, s'endormant sur la bonne foi de ceux qui veillent pour lui, se réveillera vaincu et garrotté. Il s'agit de faire face à l'orage. Chacun rédigera sa protestation qu'il enverra en province, là où il croira avoir quelque crédit. Roland est le député spécial de Lyon. Il a une grande influence sur la population de cette seconde capitale du royaume. Danton, avant de se rendre au Champ de Mars, où l'on doit, à défaut de Jacobins, que l'on n'a point trouvé, faire signer la pétition par le peuple, passe chez Roland, lui explique la situation et l'engage à envoyer sans retard une protestation aux Lyonnais, s'en rapportant à lui pour la rédaction de cette pièce importante. Le peuple de Lyon donnera la main au peuple de Paris et protestera en même temps que lui. C'est cette protestation, rédigée par son mari, que recopie Madame Roland. Quant à Danton, il est allé rejoindre ses amis au Champ de Mars. Au moment où il arrive, une grande discussion s'y vide. Au milieu de l'immense arène est l'hôtel de la patrie, élevé pour la fête du 14 et qui restait là comme le squelette du passé. C'est, ainsi que nous l'avons dit à propos de la Fédération de 1790, une plateforme à laquelle on monte par quatre escaliers correspondant aux quatre points cardinaux. Sur l'autel de la patrie est un tableau représentant le triomphe de Voltaire qui a eu lieu le 12. Sur le tableau est l'affiche des cordeliers portant le serment de Brutus. La discussion avait justement lieu sur les cinq mots introduits dans la pétition par Laclos. Ils allaient passer inaperçus lorsqu'un homme paraissant appartenir à la classe populaire par son costume et par ses manières, d'une franchise qui touche à la violence, arrête le lecteur brusquement. « Halte là » dit-il. « On trompe le peuple !»« Comment cela ?» demanda le lecteur. « Avec ces mots, par tous les moyens constitutionnels, vous remplacez un par un, vous refaites une royauté, et nous ne voulons plus de roi. »« Non, plus de royauté, non, plus de roi !» cria la majeure partie des assistants. Chose étrange, ce furent alors les Jacobins qui prirent le parti de la royauté. « Messieurs, messieurs » s'écrièrent-ils, « prenez garde, plus de royauté, plus de roi, c'est l'avènement de la République !» Et nous ne sommes pas mûrs pour la République. Nous ne sommes pas mûrs, dit l'homme du peuple. Soit. Mais un ou deux soleils comme celui de Varennes, nous mûrirons. Au voix, la pétition au voix. Au voix, répétèrent ceux qui avaient déjà crié. Plus de royauté, plus de roi. Il fallut aller au voix. Que ceux qui veulent qu'on ne reconnaisse plus Louis XVI ni aucun autre roi, dit l'inconnu, lève la main. Une si puissante majorité leva la main qu'on n'eut pas même besoin de recourir à la contre-épreuve. « C'est bien, » dit le provocateur. « Demain dimanche, 17 juillet, tout Paris sera ici pour signer la pétition. C'est moi, Billot, qui me charge de le prévenir. » À ce nom de Billot, chacun avait reconnu le terrible fermier qui, accompagnant l'aide de camp de Lafayette, avait arrêté le roi à Varennes et l'avait ramené à Paris. Ainsi, du premier coup étaient dépassés les plus hardis des cordeliers et des jacobins. Par qui ? Par un homme du peuple, c'est-à-dire par l'instinct des masses. Si bien que Camille Desmoulins, Danton, Brissot et Pession déclarèrent qu'à leur avis, un pareil acte de la part de la population parisienne, ne devant point s'accomplir sans soulever quelque orage, il était important d'obtenir d'abord de l'hôtel de ville la permission de se réunir le lendemain. « Soit, dit l'homme du peuple, obtenez, et si vous n'obtenez pas, j'exigerai moi. » Camille Desmoulins et Brissot furent chargés de la démarche. Bailly était absent. On ne trouva que le premier syndic. Celui-ci ne prit rien sur lui, ne refusa point, mais n'autorisa pas non plus. Il se contenta d'approuver verbalement la pétition. Brissot et Camille Desmoulins quittèrent l'hôtel de ville, se regardant comme autorisés. Derrière eux, le premier syndic envoya prévenir l'assemblée de la démarche qui venait d'être faite près de lui. L'assemblée était prise en faute. Elle n'avait rien statué relativement à la situation de Louis XVI fugitif, suspendu de son titre de roi, rejoint à Varennes, ramené aux Tuileries et gardé depuis le 26 juin comme prisonnier. Il n'y avait pas de temps à perdre. Des Meuniers, avec toutes les apparences d'un ennemi de la famille royale, présenta un projet de décret conçu en ces termes. La suspension du pouvoir exécutif durera jusqu'à ce que l'acte constitutionnel ait été présenté au roi et accepté par lui. Le décret proposé à 7 heures du soir était adopté à 8 par une immense majorité. Ainsi, la pétition du peuple se trouvait inutile. Le roi, suspendu seulement jusqu'au jour où il accepterait la constitution, redevenait, par cette simple acceptation, roi comme auparavant. Quiconque demandera la déchéance d'un roi maintenu constitutionnellement par l'Assemblée, tant que le roi se montrera disposé à accomplir cette condition, sera donc un rebelle. Or, comme la situation est grave, on poursuivra les rebelles par tous les moyens que la loi met à la disposition de ses agents. Aussi, réunion du maire et du conseil municipal le soir à l'hôtel de ville. La séance s'ouvrit à 9h30. À 10h, on avait arrêté que le lendemain dimanche, 17 juillet, dès 8h du matin, le décret de l'Assemblée, imprimé et affiché sur tous les murs de Paris, serait de plus, à tous les carrefours, proclamé à son de trompe par les notables et les huissiers de la ville, dûment escorté de troupes. Une heure après cette décision prise, on la connaissait aux Jacobins. Les Jacobins se sentaient bien faibles. La désertion de la plupart d'entre eux aux Feuillants les laissait isolés et sans force. Ils plièrent. Santerre, l'homme du faubourg Saint-Antoine, le brasseur populaire de la Bastille, celui qui devait succéder à Lafayette, se chargea, au nom de la société, d'aller au Champ de Mars retirer la pétition. Les cordeliers se montrèrent plus prudents encore. Danton déclara qu'il allait passer la journée du lendemain à Fontenay-sous-Bois. Son beau-père, le limonadier, avait là une petite maison de campagne. Le gendre lui promit à peu près d'aller l'y rejoindre avec Desmoulins et Fréron. Les Rolands reçurent un petit billet dans lequel on les prévenait qu'il était inutile qu'ils envoyassent leurs protestations à Lyon. Tout était manqué ou ajourné. Il se faisait près de minuit et Madame Roland venait d'achever la copie de la protestation quand arriva ce petit billet de Danton auquel il était impossible de rien comprendre. Juste en ce moment, deux hommes attablés dans une arrière-salle d'un cabaret du Gros Caillou mettaient, en achevant leur troisième bouteille de vin à 15 sous, la dernière main à un étrange projet. C'était un perruquier et un invalide. « Ah, que vous avez de drôles d'idées, monsieur la Jarriette !» disait l'invalide en riant d'un rire obscène et stupide. « C'est cela, père Rémy, reprit le perruquier. « Vous comprenez, n'est-ce pas? Avant le jour, nous allons au Champ de Mars. Nous levons une planche de l'hôtel de la Patrie. Nous nous glissons dessous, nous replaçons la planche. Puis avec une vrille, une grosse vrille, nous faisons des trous dans le plancher. Une foule de jeunes et jolies citoyennes viendront demain sur l'hôtel de la Patrie pour signer la pétition et, ma foi, à travers les trous. » Le rire obscène et stupide de l'invalide redoubla. Il était évident que, en imagination, il regardait déjà à travers les trous de l'hôtel de la Patrie. Le perruquier, lui, ne riait pas d'un si bon rire. L'honorable et aristocratique corporation à laquelle il appartenait était ruinée par le malheur des temps. L'émigration avait enlevé aux artistes en coiffure, d'après ce que nous avons vu des coiffures de la reine, la coiffure était un art à cette époque, l'émigration, disons-nous, avait enlevé aux artistes en coiffure leurs meilleures pratiques. En outre, Talma venait de jouer le rôle de Titus dans Bérénice, et la façon dont il s'était coiffé avait donné naissance à une nouvelle mode qui consistait à porter les cheveux courts et sans poudre. En général, les perruquiers étaient donc royalistes. Lisez Prudhomme et vous y verrez que le jour de l'exécution du roi, un perruquier se coupe à la gorge de désespoir. Or, c'était à mon tour à jouer à toutes ces drôlesses de patriotes, comme les appelait le peu de grandes dames qui fussent demeurées en France, que d'aller regarder sous leur jupe, et maître la jarriette comptait sur ses souvenirs érotiques pour défrayer pendant un mois ses conversations du matin. L'idée de cette plaisanterie lui était venue tout en trinquant avec un vieux brave de ses amis, et il l'avait communiqué à celui-ci qu'elle avait senti frémir les nerfs de la jambe qu'il avait laissée à Fontenoy et que l'État avait généreusement remplacée par une jambe de bois. En conséquence, les deux buveurs demandèrent une quatrième bouteille de vin que l'hôte se hâta de leur apporter. Ils allaient l'entamer lorsque l'invalide eut une idée à son tour. C'était de prendre un petit baril, de vider la bouteille dans ce baril, au lieu de la vider dans leur verre, d'y adjoindre deux autres bouteilles, et en restant momentanément sur leur soif, d'emporter ce baril avec eux. L'invalide appuyait sa proposition sur cet axiome qu'il est très échauffant de regarder en l'air. Le perruquier daigna sourire, et comme le cabaretier fit observer à ses deux hôtes qu'il était inutile qu'il restât dans le cabaret s'il ne buvait plus, nos deux reîtres firent pris avec lui d'une vrille et d'un baril, mirent la vrille dans leur poche et leurs trois bouteilles de vin dans le baril, et minuit sonnant, à travers l'obscurité, ils se dirigèrent vers le Champ de Mars, levèrent la planche, et leur baril entre deux, se couchèrent mollement sur le sable et s'endormirent. Ainsi s'achève le tome 3 de La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas.